ma guitare s'enflamme de joie quand tu es là. Ma guitare fredonne en bleu devant tes grands yeux. Elle chante la fureur de nos tendres heures. Ma guitare pleure ses accords loin de ton corps. Ma guitare joue en mineur sans ton rire moqueur. Elle chante la mort loin de ton corps. Ma guitare. Est folle de danse en ta présence. Quand tu pars, elle s'ennuie toute seule dans sa nuit. Elle chante près de toi, pleure loin de tes bras. Ma guitare